Leçon 2, exercice 24. Exprimer. Exemple. Un constat. La difficulté de réaliser un voyage. Je constate qu'il est difficile de réaliser ce voyage. À vous. Exprimer. Une préoccupation. Les obstacles rencontrés. Je suis préoccupé par les obstacles rencontrés. Exprimer. Une nécessité. Examiner ensemble les différentes solutions. Nous devons examiner ensemble les différentes solutions. Exprimer le constat d'une nécessité. Envisager d'autres pistes de recherche. Il faut envisager d'autres pistes de recherche.